الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes toujours au chapitre sur la description de la prière du livre écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, intitulé « Adabul Mashi ila Salah ». Et nous allons voir aujourd'hui la description des actes et des paroles liées au tashahhud. Il a donc dit rahimahullah « Thumma yajlisu lit-tashahhudi muftarisha ». Après cela, c'est-à-dire après la deuxième prosternation de la deuxième unité de prière, il s'assoit pour le tashahhud selon l'assise d'Al-Iftirash que l'on a déjà décrite lors du passage sur l'assise entre les deux prosternations. Et celle-ci consiste à ce que le prieur allonge son pied gauche et qu'il s'assoit dessus et qu'il dresse son pied droit perpendiculaire au sol, les orteils en direction de la Qibla, comme cela est venu dans le hadith de Abi Humayd radiyallahu anhu concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit: et lorsqu'il s'asseyait après deux unités, il s'asseyait sur son pied gauche et dressait son pied droit. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, et dans une autre version rapportée par At-Tirmidhi et authentifiée par Al-Albani rahimahumallahu ta'ala, il a dit radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait, c'est-à-dire pour le tashahhud, en allongeant son pied gauche et en orientant son pied droit vers la Qibla. Ensuite il dit rahimahullah, ja'ilan yaday ala fakhdhay, et il pose ses mains sur ses cuisses. C'est-à-dire que lors du tashahhud, tu poses ta main droite sur ta cuisse droite et ta main gauche sur ta cuisse gauche, comme cela est rapporté dans de nombreux hadiths. Et il nous décrit la position de ses deux mains en disant: basitan asabi'a yusra madmuma mustaqbilan biha al-qibla. Il allonge les doigts de sa main gauche en les joignant les uns aux autres et en les orientant vers la Qibla. Donc la main gauche est allongée sur la cuisse gauche et les doigts sont en direction de la Qibla. قَابِضًا مِنْ يُمْنَهْ الْخِنْصَرْ وَالْبِنْصَرْ. Quant à la main droite, il nous dit qu'il ferme son auriculaire et son annulaire, donc le petit doigt et celui qui le suit. Il les ferme. مُحَلِّقًا إِبْهَامَهُ مَعَ وُسْتَهْ. Et il fait un cercle avec son pouce et son majeur. ثُمَّ يَتَشَهَّدُ سِرَّ وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ الْيُمْنَى. Ensuite, il prononce le tashahhud à voix basse et il dresse son index, c'est-à-dire en direction de la Qibla, comme on va le voir, son index droit, durant le tashahhud, faisant allusion au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est la position des mains durant le tashahhud que nous a décrit l'auteur. Et concernant la main droite, il y a deux manières de faire qui sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première est celle que nous a décrit l'auteur, qui est de fermer son auriculaire et son annulaire, de faire un cercle avec le majeur et le pouce, et d'orienter l'index vers la Qibla. La deuxième est de fermer l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, et de poser le pouce dessus, de poser le pouce sur le majeur, et de tendre son index en direction de la Qibla. Ceci sont deux manières légiférées, rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prieur peut alterner entre ceci et cela dans ses différentes prières. Et il nous dit que l'index est tendu en direction de la Qibla, c'est-à-dire qu'il a l'index levé. Il ne le replie pas, il ne le ferme pas. Comme cela est venu dans le hadith de Wa'il, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait son index et qu'il l'a vu le bouger en invoquant avec celui-ci. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc il est légiféré lors du tashahhud de bouger légèrement l'index de haut en bas, tout en le tenant droit en direction de la qibla. Non pas en direction du sol ou en direction du ciel, mais en direction de la qibla. Et comme on l'a vu précédemment, il est légiféré durant le tashahhud de regarder son index. On a vu le hadith de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le tashahhud, son regard ne dépassait pas son index. Et dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il est venu qu'il orientait son index, le dressait ou le levait en direction de la qibla et jetait son regard en sa direction. Donc durant tout le long de la prière, tu regardes l'endroit où tu te prosternes, à l'exception du tashahhud, où ton regard se dirige vers ton index. Ensuite, il dit, rahimahullah, que ceci, le fait de lever l'index, est une allusion au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, وَيُشِيرُ بِهَا أَيْضًا عِنْدَ دُعَائِهِ فِي صَلَاهِ وَغَيْرِهَا. Et il le dresse aussi, il le lève, lorsqu'il invoque, en prière, c'est-à-dire durant le tashahhud, et en dehors de la prière. لقول ابن الزبير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. D'après la parole d'Ibn al-Zubayr رضي الله عنه qui a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم levait son index lorsqu'il invoquait et il ne le bougeait pas. Donc quant à la partie du hadith, il ne le bougeait pas. L'imam al-Albani رحمه الله تعالى a considéré que cette narration est une narration que l'on appelle « shadha », c'est-à-dire « marginale », dans le sens où un rapporteur a mentionné cela, contrairement à ce qui est rapporté d'autres que lui, qui sont plus nombreux, plus intègres ou plus précis. Et on a vu le hadith authentique, dans lequel le mouvement du doigt est rapporté en prière. Quoi qu'il en soit, c'est une question sujette à divergence entre les savants. Et celui qui considère qu'il est légiféré pour lui de bouger le doigt, il a, en cela, des preuves, et des savants qui l'ont devancé, et celui qui considère qu'il faut le dresser et ne pas le bouger, il a en cela des arguments et des savants qui l'ont devancé. Et ceci est une question sur laquelle on fait preuve de souplesse et qui ne doit pas être une cause de discorde et de division entre les musulmans. Donc le cheikh, rahimahullah, il nous dit que le fait de lever l'index est aussi légiféré en dehors de la prière. Et ils ont mentionné comme preuve à ce sujet le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme invoquait en levant ses doigts, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de n'en lever qu'un seul. Et dans un hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de lui alors qu'il invoquait en levant ses doigts, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de n'en lever qu'un et il lui a indiqué de lever l'index. Et dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il est rapporté d'après Umar ibn Ru'aybah radiyallahu anhu qu'il a vu Bishr ibn Marwan sur le minbar, c'est-à-dire pendant la khutbah, lever ses mains. Il lui a alors dit qu'Allah enlaidisse ses deux mains. J'ai certes vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne faisait rien de plus que cela avec sa main et il a indiqué son index, c'est-à-dire qu'il levait l'index pour invoquer durant le sermon. Et Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, a mentionné que ceci est une preuve que la sunna est de ne pas lever les mains pour invoquer durant la khutbah, c'est-à-dire durant le sermon du vendredi. Sauf ce qui fait exception, bien sûr, comme l'invocation de demande de pluie, comme cela est rapporté, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de ce hadith, les gens de science ont dit que il est légiféré lorsque la personne invoque, qu'elle lève son index au moment de son invocation. Et ils ont considéré ceci comme une sunnah. Mais ce qui est rapporté le plus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de la prière, c'est qu'il invoquait en levant ses mains. Et il n'y a pas de gêne à faire cela de temps à autre, comme cela est rapporté. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous a mentionné les paroles à prononcer durant le tashahhud. Et il a dit fayaqul, et il dit, at-tahiyyatu lillah, des salutations, sont à Allah, وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, Que la paix ou que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah vertueux. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Donc ceci est une manière de faire le tashahhud. Et c'est celle qui est rapportée par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit dans certaines narrations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait le tashahhud de la même manière qu'il leur enseignait une sourate du Qur'an. Ceci nous montre l'importance de ces paroles. Et le tashahhud, il a été appelé ainsi car il termine par la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit après avoir mentionné cette formule de tashahhud, wa ayyu tashahhudin tashahhadahu mimma sahha 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jaz. Et quelle que soit la formule de tashahhud qu'il prononce parmi celles rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci est permis. Wal awla takhfifuhu wa adam az-ziyadati alayhi wa hadha at-tashahhud al-awwal. Et le mieux est de ne pas l'allonger, de le réduire et de ne rien ajouter à cela, et ceci est le premier tashahhud. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il fait allusion ici au fait que le tashahhud est rapporté de différentes manières. En effet, si vous revenez au livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez qu'il a mentionné plusieurs formules de tashahhud rapportées par différents des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est légiféré pour le prieur de choisir l'une de ces formules dans une de ses prières et d'en prononcer une autre dans une autre prière. Mais il ne réunit pas entre les différentes manières de prononcer le tashahhud, mais il les prononce de façon aléatoire, parfois celle-ci, et parfois l'autre, et ainsi de suite. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nous rapportant le tashahhud tel que l'auteur l'a mentionné, il est rapporté que il a dit « Ceci était de son vivant lorsqu'il était parmi nous. Et lorsqu'il est décédé, nous disions « Assalamu ala nabi ». C'est-à-dire que les compagnons, radiyallahu anhum, du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient dans le tashahhud « Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ». Que le salut soit sur toi, ô prophète, à la deuxième personne. Et après son décès, sallallahu alayhi wa sallam, il le disait à la troisième personne, « Assalamu ala nabi », que la paix, que le salut soit sur le prophète. Et ceci est une des manières authentiques et légiférées de prononcer le tashahhud, de dire « Assalamu ala nabi » à la place de « Assalamu alayka ayyuhan nabi ». Et les deux sont légiférés, car il est rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'un jour il était sur le minbar, et il enseignait aux gens le tashahhud, et il leur a enseigné de dire « Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ». Donc ceci nous prouve que les compagnons radiyallahu anhum, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains continuaient de le prononcer tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait enseigné, et d'autres disaient à la place de « Assalamu alayka ayyuhan nabi »« Assalam ala nabi ». Et ceci également est une question sur laquelle on fait preuve de souplesse. Il t'est permis de dire ceci et cela. Dans tes prières, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala, car les deux manières de faire sont rapportées de manière authentique. Et concernant le sens de ces paroles, on l'a vu en détail lors de la lecture et de l'explication du livre « Les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations » et également lors de notre étude du livre « Les leçons importantes pour toute la communauté ». Et le cheikh rahimahullah ta'ala s'est contenté ici de mentionner simplement l'explication de trois paroles. Et il a dit « Wa qawluhu at-tahiyyat » et sa parole « at-tahiyyat » les salutations, c'est-à-dire « Ay, jami'u at-tahiyyat lillah » ta'ala istihqaqan wa mulka. C'est-à-dire que toutes les salutations reviennent de droit à Allah et c'est lui qui les possède. C'est-à-dire que tes inclinations, tes prosternations, tout cela est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit « wassalawat ad-da'awat » les prières, c'est-à-dire les invocations. « wattayyibat al-a'mal al-saliha » et « attayyibat » ce sont les œuvres pieuses. Ensuite, il dit « fahuwa subhana yuhayya wa la yusallam alay li'anna salam du'a » et Allah est salué par « attahiyyat » et on ne lui adresse pas « as-salam » car « as-salam » est une invocation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est révéré en lui attribuant les salutations et non pas « as-salam ». Car « as-salam » c'est une invocation en faveur de celui à qui on l'adresse. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons « as-salam al-Allah » d'adresser le salam à Allah. Comme cela est venu dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit « Lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière, nous avons dit « As-salamu ala Allah min ibadihi » que le salam soit sur Allah de la part de ses serviteurs. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas « As-salamu ala Allah » ne dites pas que le salam soit sur Allah. « Fa inna Allah huwa as-salam » car c'est Allah as-salam. As-salam est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Walakin qulu at-tahiyyatu lillah » mais dites que les salutations sont pour Allah. Ensuite l'auteur, rahimahullah, ajoute au tashahud la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « Thumma in kanati salatu rak'atayn faqat salla ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam » puis si la prière n'est que de deux unités, c'est-à-dire que si il a terminé sa prière, il fait le fajr ou une prière surrogatoire. Alors, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le tashahhud. Et ce en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme tu as prié sur la famille de Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Et bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme tu as béni la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Ensuite il dit ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مِمَّا وَرَدْ et il est permis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prononçant d'autres paroles rapportées. وَأَلُ مُحَمَّدْ أَهْلُ بَيْتِهِ et la famille de Muhammad sont les gens de sa maison. Donc le tashahhud, il est de deux sortes en prière. Il y a le dernier tashahhud qui est celui que l'on fait après deux unités lors de la prière du fajr et lors des prières surrogatoires. Et le deuxième lors des prières à deux tashahhud comme la prière du Maghreb ou les prières à quatre unités, al-Dhahr, al-Asr et al-Isha. Et le dernier tashahhud de la prière, il fait partie de ses piliers, c'est-à-dire qu'il ne peut être délaissé, pas même par oubli. Si on l'oublie, on devra impérativement le faire. Contrairement au premier tashahhud, lors des prières à trois ou quatre unités, lorsqu'on fait deux tashahhud, le premier, ce n'est pas un pilier, mais c'est un wajib, c'est une obligation. Et la différence est qu'il pourra être compensé en cas d'oubli par les prosternations de l'oubli. Et les détails à ce sujet viendront au moment venu, incha'Allah ta'ala. Simplement, il est important de distinguer entre ces deux. Et également, on distingue entre ces deux concernant ce que l'on va prononcer. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est prononcé que lors du dernier tashahhud de la prière. Si c'est la fin de la prière, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont divergé à ce sujet, concernant le fait de prier ou non sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du premier tashahhud. Et ce qui est juste est que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est légiférée durant le premier et le dernier tashahhud. La preuve à ce sujet est le hadith de Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est assis devant lui. Et il lui a dit « Ô messager d'Allah, quant au salam sur toi, au fait de t'adresser le salam, nous l'avons certes connu, c'est-à-dire lors de la prière, nous savons comment t'adresser le salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais comment prions-nous sur toi lorsque nous prions sur toi dans nos prières ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné « As-salat al-ibrahimiyya ». Et la parole de cet homme « Comment prions-nous sur toi lorsque nous prions sur toi dans nos prières ?» est une preuve que cela est général après « As-salam ». Car elle dit « Nous savons comment t'adresser à As-salam », c'est-à-dire durant le tashahhud. Mais comment prier sur toi ? Que ce soit durant le premier tashahhud ou durant le deuxième tashahhud. Et ceci est ce qu'il y a de plus juste à ce sujet. Et quant à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le dernier tashahhud, alors certains savants ont considéré que cela était une obligation. Comme l'a rapporté Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir du verset 56 de Surat Al-Ahzab. Donc nous dirons que, durant le premier tashahhud, cela est recommandé. Et si l'imam derrière lequel tu pries ne le fait pas, alors tu le suis et tu te relèves, il n'y a pas de gêne en cela. Et durant le dernier tashahhud, ceci fait partie des obligations de la prière. Et il est possible de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une des manières rapportées authentiquement de lui. Et la meilleure manière, qui est as-salat al-ibrahimiyya, est celle qui réunit entre la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la prière sur sa famille ainsi que la prière sur Ibrahim et la famille de Ibrahim. Et c'est celle qui est venue dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. D'après Abdurrahman ibn Abi Layla, rahimahullah, qui a dit « J'ai rencontré Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, et il m'a dit « Ne souhaites-tu pas que je t'offre un cadeau que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Donc vous voyez qu'ici le cadeau ce n'est pas une chose matérielle, mais il veut lui offrir bien mieux que cela. Il veut lui offrir de la science. Une chose qu'il a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ceci est parmi les cadeaux ce qu'il y a de plus précieux. Alors Abdurrahman ibn Abi Layla lui dit « Bien sûr que si, offre-le-moi. » Alors il a dit « Radiyallahu anhu, nous avons interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la manière de prier sur lui. » Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné comment lui adresser as-salam, c'est-à-dire durant le tashahhud. Alors il nous a dit de dire « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim » Innaka hamidun majid. Ceci est donc la manière rapportée de Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et le shaykh Abdel Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala nous dit que ceci est la meilleure et la plus méritoire. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa tajuzu as-salat ala ghayri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض. Et il est permis de prier sur autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière individuelle. Si cela n'a pas lieu souvent, que cela n'est pas pris comme une chose spécifique pour certaines personnes, et si on ne le fait pas seulement pour certains compagnons en dehors des autres. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il attire notre attention sur ce point ici, qui est un point important. On sait qu'il est légiféré de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'il est légiféré de prier sur autre que lui? La réponse est que cela est permis. Si cela suit la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme en disant « Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa ashabihi, wa man tabi'ahum » et ainsi de suite. Ou Allah prie sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et ceux qui les ont suivis, ainsi de suite. Il n'y a pas de gêne en cela. Et il est permis aussi de le faire de manière individuelle, en disant « Allahumma salli ala fulan » ou « Allah prie sur un tel ». Car la prière Ce qui est visé par cela, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce serviteur auprès de ses anges rapprochés. C'est donc une invocation. Et la preuve que cela est permis est le hadith rapporté par Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhu, qui a dit « Lorsque des gens amenaient des aumônes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Allahumma salli alayhim »« Oh Allah, prie sur eux ». Ensuite, Abdullah ibn Abi Awfa dit « Alors mon père, Abu Awfa, est venu avec son aumône. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahumma salli ala ali Abi Awfa ». Oh Allah, prie sur la famille de Abi Awfa. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et dans un autre hadith, rapporté par Jabir, radiyallahu anhu, il est rapporté qu'une femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie sur moi et sur mon époux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sallallahu alayki wa ala zawjik. Qu'Allah prie sur toi et sur ton époux. Donc ceci nous montre que ceci est une chose permise. Toutefois, cela est permis sous certaines conditions. La première est que cela ne soit pas fait souvent. Cela ne doit pas devenir une habitude. Mais cela peut être fait occasionnellement. On ne doit pas faire comme certains parmi les gens des passions et de l'égarement qui vont prier sur ceux qu'ils révèrent ou qu'ils vénèrent. Et de la même manière, on ne doit pas également le faire pour certains compagnons en dehors des autres, comme le font Ash-Shi'a Rafida, qui vont spécifier à Ali, radiyallahu anhu, par la prière sur lui, en disant Ali, alayhi salam. Et de cette manière, cela n'est pas permis. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dans le tafsir du verset 56 de Surat al-Ahzab, il a dit que ce qui est venu dans certains livres, dans lesquels on trouve alayhi salam, après la mention du nom de Ali, radiyallahu anhu, fait partie des actions faites par ceux qui ont recopié ces livres. Et cela ne provient pas de leurs auteurs. Car les salafs avaient pour habitude de ne pas différencier entre les compagnons, radiyallahu anhum, et ce qui est connu d'eux, ce qui est connu des salafs, et qu'ils priaient sur les prophètes, alayhim as-salatu wassalam, et ils invoquaient en demandant l'agrément pour les compagnons, radiyallahu anhum, et ils invoquaient la miséricorde pour ceux venus après eux, en disant « Rahimahumullah ». C'est cela qui est connu des salafs. Pour les prophètes, alayhim as-salatu wassalam. Pour les compagnons, radiyallahu anhum. Et pour autres que parmi ceux venus après eux, rahimahumullah ta'ala. Ceci est donc le résumé de cette question. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَتُصَنُّ الصَّلَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَيْرِ الصَّلَةِ » Et il est recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de la prière. وَتَتَأَكَّدُ تَأَكُّدًا كَثِيرًا عِنْدَ ذِكْرِهِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَ وَلَيْلَتِهَا. Et cela est d'autant plus recommandé lorsqu'il est évoqué et le jour du vendredi ainsi que sa nuit. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donc partie des œuvres méritoires par lesquels tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera ses éloges auprès de ses anges rapprochés à 10 reprises. Ceci est donc un mérite immense et de nombreux hadiths sont rapportés sur le mérite de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces hadiths, celui authentifié par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui de ma communauté qui prie sur moi une fois, sincèrement de son cœur, Allah priera sur lui 10 fois, l'élèvera de 10 degrés, lui inscrira 10 bonnes actions et lui effacera 10 mauvaises actions. » Allahu Akbar. Un mérite immense. Tu dis juste « Allahumma salli ala Muhammad. » Oh Allah, prie sur Muhammad. Allah prie sur toi 10 fois. Il t'élève de 10 degrés. Il t'inscrit 10 bonnes actions et il t'efface 10 mauvaises actions. Ceci est donc un mérite immense à ne pas négliger. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'autant plus recommandée lorsqu'il est évoqué. Comme le démontre le hadith rapporté par Abu Hurayra, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur à un homme en présence de qui je suis évoqué et qui ne prie pas sur moi. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'avare est celui auprès de qui je suis évoqué et qui ne prie pas sur moi. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est évoqué, il convient aux musulmans de s'empresser de prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des actions qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est fortement recommandé également le jour du vendredi et sa nuit. Lorsqu'on dit sa nuit, c'est-à-dire la nuit du jeudi au vendredi. À partir du maghreb, à partir du coucher du soleil le jeudi, on entre dans la nuit du vendredi. Donc à partir de là, il est légiféré de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a certes dit dans le hadith authentique que le vendredi est l'un des meilleurs des jours. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, multipliez donc la prière sur moi en ce jour. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَيُصَنُّ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Et il est recommandé qu'ils disent « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, et je cherche refuge auprès de toi contre la tentation de la vie et de la mort, et je cherche refuge auprès de toi contre la tentation du faux Messie. » Ceci fait donc partie des invocations qui sont légiférées après le tashahhud, après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le dernier tashahhud de la prière. Et certains parmi les savants ont même dit que cela était obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, lorsque l'un d'entre vous termine le dernier tashahhud, alors qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre quatre. Et il a mentionné le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et le mal du faux messie. Donc à partir de ce hadith, certains ont dit, ceci est une obligation dans le dernier tashahhud. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, et la base concernant ce qu'il ordonne est que c'est une obligation. Et la majorité des savants considèrent que cela est recommandé. Toutefois, il ne convient pas de le délaisser, mais plutôt de donner de l'importance à cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Ensuite il dit « Wa in da'a bi ghayri dhalik mimma warada fa hasan » et s'il invoque par autre que cela, et plus particulièrement ce qui est rapporté, alors c'est une bonne chose. « لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَى أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ » puis ensuite qu'il choisisse parmi les invocations celle qui lui plaît le plus. Donc, avant les salutations finales et après le dernier tashahhud, tu es dans un moment de la prière où il est légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment propice à l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans différents hadiths que l'on pouvait invoquer par ce que l'on souhaitait, ce que l'on voulait, par les invocations qui nous plaisent. Et le mieux est d'invoquer par ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on commence par le tashahhud, puis la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la recherche de refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les quatre, et ensuite on prononce ce qu'on veut comme invocation et prioritairement ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qu'il a enseigné à différents de ses compagnons radiyallahu anhum, à l'exemple de la parole Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Ou alors celle qu'il a enseigné à Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ô Allah, j'ai fait preuve d'une grande injustice envers moi-même et nul ne pardonne les péchés en dehors de toi, accorde-moi donc un pardon de ta part et fais-moi miséricorde, tu es certes celui qui pardonne, il fait miséricorde. Et d'autres invocations qui sont rapportées authentiquement et qui sont légiférées de prononcer à ce moment-là de la prière. Et vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces invocations sont donc recommandées. Et il est possible d'en faire plusieurs parmi elles. Il n'y a pas de gêne en cela. Mais l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous apporte une précision. Il dit « Ma lam yashukka ala ma'moum » tant que cela n'est pas difficile pour les fidèles, c'est-à-dire concernant l'imam. Lorsque tu es seul, tu peux prolonger ta prière et tu peux multiplier les invocations. Mais lorsque tu es imam, lorsqu'il y a quelqu'un qui prie derrière toi, tu dois prendre en considération la situation de ces personnes et ne pas allonger la prière de sorte à leur nuire. Il y a parmi eux le faible, il y a parmi eux la personne âgée, il y a parmi eux celui qui a une chose qui le préoccupe ou une affaire à laquelle il doit retourner, et ainsi de suite. Donc tu ne dois pas prolonger excessivement la prière de sorte à leur nuire, mais prier de manière modérée. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَيَجُوزُ الدُّعَى لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ » et il est permis d'invoquer pour une personne en particulier. « لِفِعْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي دُعَائِهِ لِلْمُسْتَضَعَفِينَ بِمَكَّةِ » comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en invoquant pour les faibles à Mecca, c'est-à-dire les faibles parmi les croyants. Il a invoqué pour eux durant sa prière, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il a invoqué, sallallahu alayhi wa sallam, pour Al-Walid ibn Al-Walid, wa Salama ibn Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'a, et les mustada'afin, les faibles parmi les croyants. Donc il est permis, lors de ta prière, d'invoquer pour une personne en particulier en la nommant. Et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, « ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك » Ensuite, il prononce les salutations finales en étant assis, en commençant par la droite et en disant « السلام عليكم ورحمة الله » puis à la gauche de la même manière, c'est-à-dire en prononçant la même parole. Donc les salutations finales, elles ont lieu après le tashahhud, après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les invocations. Et il est légiféré de prononcer deux salutations, une à droite et une à gauche. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que l'on prononce à droite comme à gauche assalamu alaykum wa rahmatullah. Et il y a différentes manières de saluer qui sont rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a celle que l'auteur a mentionnée, qui est la plus courante. Et il est possible aussi de rajouter à droite, wa barakatuh. Donc on prononce à droite, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis à gauche, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ceci est une deuxième manière de faire. Une troisième manière, on prononce à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah. Puis à gauche, on dit seulement « Assalamu alaykum ». Ceci est la troisième manière. Et il est légiféré, pour le prieur, d'alterner entre ces différentes façons de saluer pour sortir de sa prière. Et il y a une quatrième manière, au sujet de laquelle les gens de science ont divergé, qui consiste à dire seulement, en se tournant légèrement à droite, « Assalamu alaykum ». Ceci est une manière légiférée de prononcer les salutations pour sortir de la prière. Comme cela est rapporté, dans certains hadiths, et c'est pour cela que des gens de science ont dit que seule la première salutation de la prière est un pilier. Quant à la deuxième, elle est seulement recommandée. Ensuite, il nous dit « وَلِلْتِفَاتُ sunnah » et il est recommandé de se tourner, c'est-à-dire de se tourner à droite et à gauche. « وَيَكُونُ عَنْ يَسَارِهِ أَكْثَرْ بِحَيْثُ يُرَى خَدُّهُ » et il dit « il se tourne plus à gauche qu'à droite » de sorte à ce que l'on voit sa joue. Et cela est recommandé en réalité aussi bien à droite qu'à gauche, comme cela est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui a dit « Je voyais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prononcer les salutations à sa droite et à sa gauche jusqu'à ce que je vois la blancheur de sa joue. » C'est-à-dire qu'il tourne sa tête de sorte à ce que ceux derrière lui voient sa joue. Ne se contente pas de se tourner seulement légèrement à droite et légèrement à gauche, non. Il tourne bien sa tête à droite. Une fois que sa tête est tournée à droite, il dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Ensuite, il tourne bien sa tête à gauche, de sorte à ce que ceux derrière lui voient sa joue, et il dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». C'est cela la manière correcte de faire lors des salutations. Ensuite, il dit « Wa yajharu imamun bit taslimati al-ula faqat ». وَيُسِرُّهُمَا غَيْرُهُ. Et l'imam prononce à voix haute seulement la première salutation. Et autre que lui, les prononce toutes deux à voix basse, c'est-à-dire celui qui prie seul ou celui qui prie derrière l'imam. Donc comme on l'a vu pour le takbir, l'élévation de la voix en prière, en dehors de la récitation, elle n'est légiférée que pour l'imam. Mais lorsque tu pries seul ou lorsque tu pries derrière l'imam, tu n'élèves pas la voix ni pour le takbir, ni pour Rabbana wa lakal hamd, ni pour les salutations finales. Tu prononces tout cela à voix basse, que tu pries seul ou que tu pries derrière l'imam. Et seul l'imam élève la voix pour cela, car l'objectif est de se faire entendre par ceux qui prient derrière lui et qu'ils puissent ainsi le suivre. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que l'imam ne prononce à voix haute que la première salutation. Et c'est pour cela que vous trouverez dans certaines mosquées l'imam prononcer seulement la salutation de droite à voix haute et prononcer à voix basse la salutation de gauche. Et ceci est un avis parmi les avis des gens de science. Et d'autres ont dit que l'on élève la voix pour les deux salutations. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيُسَنُّ حَذْفُهُ وَهُوَ عَدَمُ تَطْوِيلِهِ أي لَا يَمَدُّ بِهِ صَوْتَهُ. Et il est recommandé de ne pas le prolonger, de ne pas allonger sa voix lorsqu'il prononce les salutations. C'est-à-dire que tu prononces les salutations rapidement. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et non pas comme le font certains imams qui allongent la prononciation des salutations. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Cela est contraire à la sunnah. La sunnah est de le prononcer rapidement. Ensuite, il dit وَيَنْوِي بِهِ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَةِ. Et il a pour intention, lorsqu'il prononce les salutations, de sortir de la prière. Comme cela est venu dans le hadith authentique. La clé de la prière est la purification. Ce qui la rend illicite, son tahrim, c'est-à-dire ce qui rend illicite dans la prière le fait de boire, de manger et de parler, c'est le takbir. Une fois que tu as dit Allahu Akbar, tu es entré en sacralisation. Et son tahlil, ce qui re-rend licite les choses qui ont été interdites pour toi en prière, c'est At-taslim, le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc tu prononces cette parole pour te désacraliser, pour sortir de ta prière. Et il dit وَيَنْوِي بِهِ أَيْضًا السَّلَامُ عَلَى الْحَفَظَ وَالْحَاضِرِينَ. Et il a aussi pour intention d'adresser Assalam au Hafada, c'est-à-dire les anges, les scribes, et les gens présents, c'est-à-dire celui à sa droite et celui à sa gauche, comme cela est venu dans le hadith de Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à l'un d'entre vous de poser sa main sur sa cuisse, puis d'adresser Assalam à son frère, à sa droite et à sa gauche. » Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ مُكَبِّرًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْ إِذَا فَرِغَ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ. » Et si la prière est composée de plus de deux unités, si c'est la prière du Maghreb ou la prière du Isha, ou autre parmi les prières à quatre unités, alors il va se relever après le premier tashahud. Il fera seulement le tashahud, puis la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est recommandée. Et ensuite, il se lève en prononçant le takbir. Il nous dit qu'il se lève de la même manière qu'il se lève pour la deuxième unité, sur le plat de ses pieds, en posant les mains sur ses genoux, comme on l'a vu lors du cours précédent. Et on a vu la divergence concernant le fait de céder de ses mains ou non. Ensuite, il dit وَيَأْتِ بِمَا بَقَيَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا سَبَقَ. Et il complète sa prière, il accomplit les autres unités de la même manière que l'on a vu précédemment. Il l'a, exception faite. أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ. Il ne récite pas à voix haute. Donc dans toutes les prières, il n'y a que, durant certaines prières, dans les deux premières unités que l'on va réciter à voix haute. Mais dans les deux dernières unités, ou la troisième unité pour la prière du Maghreb, la récitation se fait à voix basse. Ensuite, il dit « وَلَا يَقْرَأُ شَيْئًا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. » Il ne récite rien après la Fatiha. « فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُكْرَهُ. » Et s'il le fait, cela n'est pas détestable. Donc on ne récite une sourate après la Fatiha que dans les deux premières unités de nos prières. Dans les suivantes, il n'est pas demandé de réciter autre que la Fatiha. Et ce, plus particulièrement pour la prière du Maghreb et la prière du Isha. Car il est venu dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les deux dernières unités de la prière Fatihat al-Kitab, l'ouverture du livre, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Mais concernant la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr, il est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que dans la prière de Dhuhr, il est récité dans les deux premières unités l'équivalent d'une trentaine de versets, et dans les deux dernières l'équivalent d'une quinzaine de versets. Et dans la prière de l'Asr, il récitait dans les deux premières unités une quinzaine de versets, et dans les deux dernières, la moitié. Donc on voit qu'il est légiféré et recommandé de réciter après Surat al-Fatiha une autre surat lors des prières de Dhuhr et de l'Asr. Quant à la prière du Maghreb et de l'Aïcha, on ne récitera que Surat al-Fatiha dans la troisième et la quatrième unité. Ensuite il dit, rahimahullah, « Thumma yajlisu fit tashahudi thani mutawarrika. » Ensuite, une fois qu'il aura terminé ses autres unités, il s'assoira pour le deuxième tashahud. Et cette assise, elle va être différente de l'assise pour le premier. Et c'est l'assise que l'on appelle « at-tawarruk ». Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous l'a décrit en disant « Yufrish rijlahul yusra » Il allonge son pied gauche, وَيَنْسِبُ الْيُمْنَ et il dresse son pied droit, وَيُخْرِجُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ et il les met tous deux sur sa droite. Son pied gauche, il va l'allonger et le glisser sous son tibia droit, et il va dresser son pied droit, toujours de la même manière que l'on a vu précédemment, les orteils, en direction de la qibla. وَيَجْعَلُ إِلِيَّتَهُ عَلَى الْأَرْضِ et il pose son postérieur sur le sol. Il ne s'assoit pas sur le pied comme pour le premier tashahud. فَيَاتِ بِالتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ الدُّعَى ثُمَّ يُسَلِّمْ Il prononcera le tashahud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations puis les salutations. Donc, lors de la prière du Maghreb, et les prières à quatre unités, donc les prières qui ont deux tashahud. Lors du deuxième tashahud, on pratiquera cette assise que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a décrit qui est tawarruk. On dresse son pied droit, les orteils en direction de la qibla, et on glisse son pied gauche, allongé, sous le tibia droit, et on s'assoit sur son postérieur. Comme cela est venu dans le hadith de Abu Humayd, radiyallahu anhu, concernant la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, « Et lorsqu'il s'asseyait, pour la dernière unité, il avançait son pied gauche et dressait son pied droit et s'asseyait sur son postérieur. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et dans les prières, à deux unités seulement, comme la prière du Fajr ou les prières surérogatoires, on s'assoit selon l'assise que l'on a décrite précédemment, c'est-à-dire Jalsata al-Iftirash. Le Tawarruk, il n'est recommandé et légiféré que pour le deuxième Tashahud dans les prières à deux Tashahud. Et durant toutes les autres assises de la prière, ce qui est légiféré est l'assise d'al-Iftirash. Et dans toutes ces assises, le pied droit est toujours dressé, perpendiculaire au sol, les orteils, en direction de la Qibla. On a donc terminé concernant la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, telle que mentionnée par l'auteur dans cet ouvrage, et on verra dans le cours prochain, bi'inillahi ta'ala, ce qui est légiféré une fois la prière terminée comme acte et comme formule de rappel, incha'Allah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا